Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre 4e du troisième traité, 5e paragraphe, miséricorde spéciale de Marie envers les pécheurs. Nous avons dit beaucoup de choses de l'amour de Marie envers nous, et il en reste encore bien plus à dire. Je ne sais cependant si j'ai réussi à persuader le lecteur, je crains que l'objection qu'on m'a faite n'ébranle tout ce que j'ai avancé jusqu'ici. Qu'est-ce que Marie voit en nous? Elle voit, m'a-t-on répondu, des misères, des péchés, des ingratitudes. Hélas, voudrait-elle après cela aimer un être aussi misérable que je le suis? Je le sais, je l'avoue. Marie aime, elle aime quiconque l'aime. Elle recherche celui qui la cherche. Elle cherche à la vérité, mais qui? Ceux qui sont dignes d'elle. Mais suis-je moins digne de Marie, digne de sa tendresse maternelle, moi qui ai tant de fois offensé son Fils, son Dieu? Je crains qu'en considérant Jésus, et en voyant dans ses plaies l'ouvrage de mes iniquités, elle n'est que trop sujet de s'indigner contre moi, qui ai poussé l'audace jusqu'à renouveler, autant qu'il est en moi, la passion douloureuse de son divin Fils. Je crains qu'elle ne s'enflamme d'indignation, Osée 13, 8, contre celui qui a si indignement outragé son Fils bien-aimé. Et quoi? Ne vois-je pas tous les jours les mères se mettre en fureur contre ceux qui blessent leur enfant de quelque manière? Est-ce que par hasard Marie n'aurait pas un cœur de mère pour son Fils Jésus? Je crains, je veux donc fuir et me cacher. Ô mon frère, courage, quelle crainte, quelle frayeur vous saisit? La crainte est bonne quand elle nous porte à éviter d'offenser Dieu, mais elle est détestable quand elle nous repousse de Dieu et nous éloigne de Marie, la mère et le refuge, de qui? Répondez-moi, de qui? Des pécheurs. Entendez-vous? Le refuge des pécheurs, c'est ainsi que l'Église l'appelle, et certes, avec raison Marie est cette nouvelle cité que Dieu a désignée dans son Église pour être l'asile, le refuge des criminels. L'Église fondée sur Jésus-Christ ne devait pas être moins bien partagée que la synagogue, celle-ci avait 6 villes de refuge, l'Église n'en a qu'une, mais qui en vaut bien 6 et même 1000. Elle reçoit avec bonté tous ceux qui se réfugient vers elle. Nul danger qu'elle en repousse un seul, elle les accueille tous avec un aspect riant, ses bras maternels sont ouverts à tous, et chacun trouve asile et protection à l'ombre de son manteau. Que crains donc, vous dirai-je, pour me servir des paroles de Saint Bernard, que crains donc la fragilité humaine? Vous ne trouverez en Marie rien d'austère, rien de terrible. Elle est la douceur même, elle offre à tous le lait et la laine, c'est-à-dire ses bienfaits maternels. Parcourez avec le plus grand soin toute la suite de l'histoire évangélique, et si vous trouvez sur Marie la moindre chose qui sente la dureté, la sévérité, ou même tant soit peu l'impatience, je consens à ce que vous la teniez pour suspecte, et que vous trembliez de vous approcher d'elle. Mais si, comme il arrivera infailliblement, vous venez à trouver que tout ce qu'on lit d'elle dans l'Évangile ne respire que bonté, douceur et miséricorde, rendez grâce à Dieu de vous avoir accordé dans sa bonté une médiatrice dont rien ne vous permet de douter. Enfin Marie s'est faite tout à tous, par son immense charité elle s'est constituée la caution des sages et des insensés. Elle ouvre à tous le sein de sa miséricorde, afin que tous jouissent de la plénitude de ses grâces, les esclaves en recevant la liberté, les malades la santé, les affligés la consolation, les pécheurs le pardon, Les justes la grâce, une grâce plus abondante, les anges la joie. Elle n'a pas égard à la faiblesse des mérites antérieurs, elle se montre à tous pleine de commisération, pleine de clémence, et avec une tendresse et une charité qui n'ont point de bornes, elle use de miséricorde envers toute espèce de nécessiteux. Embrassons donc les genoux de Marie, prosternons-nous à ses pieds, invoquons-la avec dévotion, tenons-la fortement, et ne la laissons point aller qu'elle ne nous ait donné sa bénédiction, car elle est puissante. Saint Bernard, sermon des 12 étoiles. Que craignez-vous donc, mon frère? Que craignez-vous de vous approcher de Marie? Vous êtes misérable? Eh bien, envers qui Marie fera-t-elle usage de sa miséricorde, sinon envers les misérables? S'il n'y avait pas de misérables, il n'y aurait pas de miséricorde, une des plus belles qualités de notre aimable mère disparaîtrait, nous ne pourrions plus l'appeler mère de miséricorde. La miséricorde et la misère ont contracté ensemble une salutaire alliance, la misère sans la miséricorde est funeste, la miséricorde sans la misère est tout à fait inutile, tout à fait stérile, réunies au contraire. Elles sont utiles l'une à l'autre. Avec des pierres sans ciment on ne pourrait élever un édifice, on ne le pourrait pas davantage avec du ciment sans pierre, il faut l'un et l'autre pour former un tout compact, et construire ainsi la Jérusalem mystique. Vous êtes pécheur, et à cause de cela vous craignez d'être rebuté, vous ne connaissez donc pas Marie, n'est-elle pas la mère de ce divin Jésus? Lequel a protesté qu'il était venu sur la terre, non pour les justes, mais pour les pécheurs? Marie ne saurait-elle pas peut-être que le sang divin, puisé dans son chaste sein, a dû être versé pour la rémission des péchés? Elle a été établie, comme dit saint Bernard, la dispensatrice du divin sang, mais sur qui le répandra-t-elle sinon sur les pécheurs? Vous êtes pécheur, mais ne savez-vous pas que Marie a été faite mère de Dieu en faveur des pécheurs, plutôt qu'en faveur des justes? Si donc, reprend le même saint Anselme, Marie a été faite mère de Dieu en faveur des pécheurs, c'est-à-dire pour moi, et pour tous ceux qui me ressemblent, comment puis-je me livrer au désespoir à cause de mes péchés? Vous êtes pécheur, mais dites-moi, auriez-vous malheureusement une volonté obstinée de persister à vivre dans le péché? Dans ce cas, écoutez, je ne puis guère vous inspirer de confiance dans la protection de Marie, elle est l'avocate des pécheurs, mais non pas du péché, elle est l'avocate des pécheurs qui désirent se convertir et changer de vie. N'avez-vous pas cette volonté de vous amender? Oui, je le crois. Je crois que, connaissant l'abîme au fond duquel le péché vous a précipité, vous désirez en sortir pour revenir à Dieu. Eh bien, dans ce cas je vous montrerai l'échelle par laquelle vous devez vous élever. Cette échelle, c'est Marie. Vous ne m'en croyez pas? Entendez-le de la bouche de saint Bernard. C'est elle, mes chers frères, disait ce saint abbé. Ce véritable dévot de Marie, c'est elle qui est l'échelle des pauvres pécheurs, c'est elle qui est ma plus grande confiance. Pourquoi désirer autre chose, mes frères? Cherchons la grâce, et cherchons-la par Marie, car ce qu'elle cherche, elle le trouve, et ne peut être déçue dans son attente. Cherchons la grâce, mais la grâce auprès de Dieu parce que la grâce des hommes est trompeuse. Que d'autres cherchent le mérite, pour nous, appliquons-nous à trouver la grâce, et n'est-ce pas une grâce que nous soyons encore en vie? Lamentations 3, 22. Oui, c'est assurément un effet de la miséricorde divine, que nous n'ayons pas été frappés par la divine justice. Oui, C'est un effet de la miséricorde de Dieu, mon cher frère, qu'apprêtant de pécher, il daigne encore nous supporter et nous attendre à la pénitence, et la miséricorde divine en a usé de la sorte à notre égard à l'intercession de Marie. Attendis que nous doutions, que nous cherchions si Marie pouvait avoir compassion de nous, elle nous répondait par des faits, je dirai plus, tandis que nos péchés allumaient la colère de Dieu contre nous, Marie s'interposait en notre faveur, pour nous obtenir miséricorde, Romains 5, 8. Oui, nous tendions les mains au plaisir criminel, et Marie ouvrait les bras de sa miséricorde pour nous embrasser, par nos péchés nous nous élancions pour percer le cœur de Jésus, et Marie, saisie de compassion, offrait pour notre salut le sang divin qui jaillissait de la blessure. Et nous pourrions craindre qu'elle nous repousse maintenant que, touchés de repentir, nous allons nous jeter à ses pieds. Ah comme ses entrailles maternelles sont déjà émues de pitié pour nous, ses enfants, déjà elle tend ses bras maternels pour nous attirer sur son sein, déjà elle vient à notre rencontre, déjà elle nous serre sur son cœur, déjà elle nous présente devant Dieu, rassemblés sous son manteau. Que ferons-nous de notre côté? Voudrions-nous nous cacher? Voudrions-nous fuir? Eh bien, cachons-nous, mais sous le manteau de Marie, fuyons, mais sur le sein de Marie, et ne nous en séparons jamais plus. Heureux si nous pouvons habiter à l'ombre d'une protection si puissante, qui pourra nous nuire, qui pourra nous faire le moindre mal. C'est cette tour inexpugnable qui est bâtie avec des boulevards, Cantique 4, 4, et à laquelle sont suspendues les armes et les dépouilles des ennemis vaincus. C'est la véritable tour de David, la forteresse de Sion. Là nous demeurons en sûreté. Oui, ô Marie, j'habiterai en sûreté sous votre manteau. Il suffit qu'une fois vous daigniez m'y donner asile. Vous le voyez, je suis un pauvre criminel, la justice divine crie vengeance contre moi, je cherche un refuge, mais où le trouverai-je sinon sur votre sein? Accueillez donc, ô Mère de miséricorde, le plus misérable de vos enfants. Je suis le plus misérable, j'ai donc plus de droit que tout autre à votre miséricorde. C'est à elle que j'ai recours. C'est elle que j'implore, c'est elle que je désire, parce que je n'ai besoin que d'elle seule. Non, ma chère mère, ne me chassez pas loin de vous. Ah, ce n'est pas ce que je crains, vous êtes vraiment toute bonne, oh que vous êtes bonne, ma mère que, vous êtes miséricordieuse que votre cœur est compatissant. C'est ici, c'est dans ce cœur maternel que je veux vivre, que je veux mourir, que je veux habiter pendant toute l'éternité. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.